va s'aller faire chez les arrives en sacaille. Tu traverses au pareil en sacaille, on arrive en pagaille. Un, deux, trois. Fais tout niquer dans les deux sens, aider. Tu comprendras, refrain qu'ici on avance sans céder, sans céder. Ma part du steak aura pas sans céder. Tourner ta mixtape de merde, comme un pic rapera pas sans céder. Je le ferai, la situation, je le ferai. Tête de jeu, mais la tabasse, la situation, regret. Que tous reprennent mon phrase et poussent, je refais mon clavier. Que tous retiennent mon place, les sociales. Reproduis la vibe sans chanter. J'introduis comme d'hab enchanté. J'imposte à les frères chez les arrivants, ça caille. Les pics travers sont pareils dans sa caille. On arrive en pagaille. Les poulets font des tracassés, qu'ont des bras cassés, qu'ont des bras cassés. Admettre qu'on les bras cassés. C'est 17, ça répond pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qui t'en pense pas? Danger, 9, 3, pas. C'est du lore sur pleine feuille, toi. J'arrive, me dis pas faire quoi, quoi. Dites-moi, vous allez faire quoi, j'arrive en cas si je vois Raja Limousine 7. J'rose les viagis cousines, c'est social. Ça tu sais le placage du ratière. Ta santé plus celle de l'intrus, c'est le claquage du myper. Pas tes couilles, il va y avoir du sport. Gère bien tes douilles avant d'avoir vu le score. C'est bien sûr pourquoi les rappeurs j'raquettent leur bleu. Dans le peur à ses peurs bleues, sous une carte c'est peur bleu. Le mille siècles, le délire change, prends le danger. Fais le grand ménage autour de ma gamelle quand je mange. J'ai tes dernières vacances d'été, frère, même en port c'était. Même pas où tu te rappelles quand c'était. Me demandez pas d'arrêter la clope, pousse-bras. 2007, je rentre dans la pousse-bras. Merde, donnez-moi ma place, donnez-moi mon contrat. On comptera plus tard, verra bien quand ça montera. Non, c'est plus que vrai que tu fais le moment d'émerger. Marre d'être hébergé, je redémarre énervé. Tu peux m'appeler tiens, sauf pour commanditer la feuille. Tu peux m'appeler mes trois parts d'un comité d'accueil. Tu peux faire confiance à Anya quand elle te rappelle. Des fois à 2007, s'il te plaît, redis-le ma bête.